Si j'avais été un macaron, crois-le bien mon amour, je serais bien plus heureux pour un jour, mais un jour c'est mieux, mieux que toutes ces années à passer devant toi, sans oser te parler, sans même que tu me vois. Si j'avais été un macaron, tu m'aurais façonné comme tu voudrais que je sois. J'aurais été parfait, fait du bout de tes doigts. Dois-je encore rêver que tu me donnerais la vie dans l'arrière-boutique de ta boulangerie? Mais je ne suis pas un macaron, je vaux bien plus que ça, je vaux bien plus qu'un jour, je m'en vais de ce pas, conquérir ton amour, quelques fleurs à la main, à la porte d'entrée, je sens l'odeur du pain, je me sens vaciller à la vue de son sourire, quand il te tient la main, tu te mets à rougir, alors c'est pour de bon, je rêverai pour toujours d'être un macaron, sans galage, sans amour.